contraire se dit... Contrario? On doit entendre le N. Hein? Con, hein? Con, et insister à l'oral sur l'avant-dernière syllabe. Contrario. Hein? Contrario. Bien. Et al contrario veut dire au contraire. Al contrario. Comment dira-t-on vocabulaire? Vocabulario? Vocabulario. Hein? Vocabulario. Vocabulario. Pourquoi? Le V espagnol se prononce comme un B. Hein? Ah. Je vais vous en reparler dans un instant. D'accord. Hein? Mais on dit vocabulario. Vocabulario. Bien.